La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bonjour et bienvenue à une toute nouvelle édition de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission anti-facile sur les ondes de CIFU 89.1 avec nul autre que le succulent Lucas Hubert à la console. Bonjour. Ainsi que moi-même Sébastien Gertin. Aujourd'hui à l'émission qui va beaucoup tourner autour du Blade Runner, du dernier en fait, Blade Runner, donc 2033, excusez. 2049. Mais... 2040. J'ai-tu dit 2033? Ben oui. Ben oui, Colin. J'ai même écrit ça sur notre plan de l'émission. Je suis désolé. Ça faisait un bout, on est rouillé encore, je pense. Ben oui. Avant toute chose, par contre, comment s'est passée ta semaine, mon cher? Ma semaine, ça l'a bien été. Par contre, j'ai eu légèrement honte de mes racines polonaises. Je sais pas si tu as suivi un peu ce qui s'est passé en Pologne. Non, moi, la choucroute, ça m'intéresse pas. Comment ça? Tout le monde devrait suivre ce qui se passe en Pologne. En Pologne, en réalité, ce qui est arrivé, c'est que le Parlement polonais a interdit le fait de parler des crimes commis par les Polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein? C'est des choses qui arrivent. Donc, ça a fait scandale. Donc, pour essayer de mieux faire passer la loi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont amendé en disant qu'ils ne mettraient pas en prison les gens qui parlent des crimes faits par des Polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si c'est de leurs souvenirs qui passent, donc ceux qui ont vécu ces traumatismes-là. OK. Par contre, si c'est ton père qui a vécu un traumatisme pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Polonais et que, ton père est mort puis que toi, tu veux parler de l'expérience de ton père, ça c'est non. Hein? OK. Ça, c'est non. Fait que, hein, c'est bien fun, la démocratie en Europe de l'Est. Ouais, c'est ça, hein, c'est la liberté d'expression. Et effectivement. Par exemple, même les universités n'auront pas le droit de parler de ça, toutes les recherches sur l'Holocauste qui vont parler du fait que la Pologne a pu collaborer vont être illégales. Les termes « camp de la mort polonais » et « camp de concentration polonais » vont être interdits pour les médias, les livres, les articles, et la peine peut aller jusqu'à 3 ans de prison si tu es pris à dire que les Polonais ont collaboré, certains Polonais ont collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est ça. Au début, c'était juste comme ça le Parlement. Ensuite, le Sénat ce matin a approuvé. Là, pour la loi tombe en action. Il reste le président à ratifier ça. Mais c'est une chose presque faite. Là, c'est lui qui contrôle le Parlement. Donc, il y a une petite dérive qui peut faire peur en Pologne présentement. Puis moi, c'est surtout le... Bon, ça, c'est une chose, là, déjà, la question de liberté d'expression, OK, work. Mais l'autre chose aussi, c'est pourquoi on ne peut plus dire qu'il y a eu des crimes commis en Pologne? Tu sais, c'est la Pologne, il y a eu... Bon, d'un, je ne parlerai pas à quel point il y a eu des crimes qui ont été faits là-bas, mais pourquoi est-ce que soudainement, on veut le cacher? Ouais. Soudainement, c'est pas correct d'en parler. La raison, c'est que, en fait, c'est un gouvernement conservateur en Pologne. Et c'est un peu l'argument l'argument qu'on pourrait appeler l'argument Mathieu Bock-Côté, qui consiste à dire qu'en fait, les gens qui font ça essayent juste de culpabiliser le Polonais moyen et de dire que, c'est ça, le Polonais moyen est un collabo. Et ils essayent juste de nous faire culpabiliser puis de nous amener un sentiment de honte d'être polonais, d'être européen, d'être blanc, etc., etc. C'est ça l'argument en arrière de ça. Ah, d'accord. Donc, la façon officielle de parler de ce sujet-là, ça serait de dire qu'en fait, les Allemands ont fait des crimes en Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais les Polonais, eux autres, sont okay. corrects. Hein? Okay. Parce qu'il ne faut pas faire de peine aux... collabo. Donc, la semaine polonais. Prochaine, dans le roman 1984. Oui, effectivement. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On a appris, pour ceux qui ont suivi un peu la saga Battlefront 2, le jeu vidéo de Star Wars développé par EA Game, on a appris... Qu'on a aussi surnommé le Double Dip de EA Game. Effectivement. En fait, ce qui est arrivé, c'est que ça a fait scandale, ce jeu vidéo-là, à cause des microtransactions. En gros, c'est que tu payais 80$ pour un jeu, puis ensuite, pour débloquer du contenu intéressant, il fallait que tu repaies ou que tu passes 100 heures de jeu à faire du farming pour réussir à débloquer les choses. Ça l'a fait scandale. Donc, ce qui arrivait, c'est que quand tu décidais de ne pas payer, ton 100 heures de farming était extrêmement pénible parce qu'il y avait du monde qui avait payé. Puis là, toi, t'étais un petit soldat rebelle de merde qui meurt dans la première scène, puis t'avais Darth Vader devant toi. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, pendant quelques temps, les actions de EA Games ont complètement chuté, à tel point le backlash était important. Il y avait eu Disney qui avait fait une mise en demeure à EA Games en disant « Hey, vous êtes en train de salir le nom Star Wars ». Non, ça allait vraiment pas bien pour EA Games, puis ben ça va pas vraiment mieux là, parce qu'ils viennent de sortir les chiffres et en fait, ils ont vendu 1 million de moins de copies, ils ont vendu 9 millions de jeux alors qu'ils étaient censés en vendre 10 millions pour commencer à rentrer dans leur argent. Donc, ça va pas bien. Et bon, c'est Business Insiders, la revue d'affaires, qui nous apprenait cette semaine que ça discute derrière les portes closes pour que Microsoft rachète EA Games. En fait, Microsoft veut faire deux offres d'achat, une à EA Games et une à Valve, ceux qui font Steam. Puis, ils prendraient un des deux parce que présentement, ils ont aussi Microsoft de la difficulté avec les Xbox. Ils n'ont pas assez d'exclusivité et les gens préfèrent la PS4. Mmh. Et les jeux en ligne, ce qui fait mal un peu à Microsoft en quelque part avec la Xbox, ben c'est les jeux vendus en ligne en fait par par Steam entre autres, là, qui est pas mal la place pour acheter des jeux quand vous gamez PC. Mais ouais, c'est... Ben, personnellement, j'espère beaucoup que c'est EA qui vont racheter parce que Microsoft ont quand même un peu des standards, puis ceux qui gament un peu savent que EA en ont pas nécessairement, c'est-à-dire que les jeux sont souvent garochés à moitié finis, là. Tandis que ben si Microsoft rachète Valve, moi ce que j'ai peur c'est que le gaming PC va devenir beaucoup plus compliqué, de se procurer des jeux. En gros, probablement que Microsoft rachèterait Valve en fait pour jeter Steam par terre pour l'intégrer au Microsoft Store, puis là ben on serait obligé d'acheter des trucs sur Microsoft Store. Fait qu'il y a du Summer Sale et ainsi de suite. Effectivement. Puis combien de choses deviendraient des exclusifs Xbox et le resterait, dans le sens qu'ils ne seraient pas portés PC par la suite ou seraient portés extrêmement mal. En tout cas, bref, le gamer PC que je suis ne la trouve pas drôle. Effectivement. Sinon, pour finir, ben il y a Amazon hein, qui continue à être aussi dégueulasse que c'était. Amazon a annoncé qu'il allait s'associer avec deux autres très grosses entreprises, dont celle de Warren Buffett, pour créer une nouvelle entité. On n'a pas encore de détails là-dessus. Ça va être une entité qui aura pour but de régler les problèmes des systèmes de santé occidentaux. Hein? Rien que ça. Bon, si vous trouvez que vous n'êtes pas sûr que Amazon, c'est le bon joueur pour gérer votre santé, ben inquiétez-vous pas. Le PDG d'Amazon a dit que ça ne serait pas pour le profit. Hein? C'est ça. C'est... Ah ben... S'il dit... Hein? C'est sûr. Hein? Mais c'est honnêtement quelque chose qui m'énerve, ça, cette affaire-là. C'est-à-dire les entreprises qui font tout ce qu'ils peuvent pour éviter de payer les taxes, qui font de l'évitement fiscal, tout ce qu'ils peuvent, puis après ça, ben, ils servent de leur argent pour montrer à quel point ils sont charitables, pour se payer une espèce de sympathie du public. Ça m'énerve vraiment beaucoup. C'est comme, hey, Amazon, paye tes taxes, là, puis là, après ça, ben, les gouvernements vont avoir un peu d'argent pour investir en santé, puis on n'aura peut-être pas besoin que tu te crées une belle petite fondation pour venir en aide au système de santé occidentaux, tu sais. Ben, c'est l'éternel débat philanthropie versus financement public. Puis, en fait, dans les soins de santé comme ça, ça a été souvent démontré que les systèmes de santé publique, quand ils sont financés comme du monde, ben c'est bien plus efficace. La philanthropie, ils décident à maner ce qu'ils font aussi. Là. T'sais, ils donnent aux causes sexy et non aux causes un petit peu moins le fun. Sinon, je sais pas si tu as suivi la saga parlant d'Amazon avec leur deuxième siège social qu'ils veulent ouvrir. Plus ou moins. Si t'as pas suivi, je te raconte ça, puis je vais t'observer terrifié pendant que je raconte ça. En fait, Amazon ont annoncé qu'ils voulaient s'ouvrir un deuxième siège social dans une ville à quelque part dans le monde. Fait qu'ils ont dit aux villes, faites-nous des offres, on va ouvrir notre siège social à l'endroit qui va nous avoir fait la meilleure offre. Fait que là, bon, il y a plein de villes qui ont fait des belles offres. Genre, de donner un exemple, Boston a offert 9 milliards de dollars, de l'argent des taxes municipales, là, genre ce qui sert à ramasser les déchets, whatever, pour que Amazon... En cadeau pour que Amazon aille ouvrir un siège social là. Puis bon, ça, c'est comme quand tu vas dans un concessionnaire et t'achètes un auto, puis que là, tu sais, t'as des doutes, puis t'es pas sûr, puis là, tu pars, puis là, t'es comme, « Hey, je peux pas te la baisser plus, mais je vais te faire un chèque. » What the fuck? Ouais. C'est quoi ça? c'est exactement ça. Mais c'est pas juste ça, là. C'est que de base, c'est dégueulasse comme move. Mais en plus, c'est que... Juste une seconde. On va se le dire, là, 9 milliards, là, ça en répare des trous dans un asphalte. Là. Uh-huh. Puis ça en paye des logements sociaux. Là. Uh-huh. Hein? Continue. Mais je crois juste ça, c'est de base dégueulasse. Mais là, en plus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, bon, ben on en a sélectionné 10. Ils ont sorti la liste des 10 en disant, faites-nous une autre offre encore meilleure que ça pour qu'on prenne notre décision finale. Fait que là, hein, tout le monde, toutes les villes raclent leur fond de tiroir pour, hey, on va donner le plus d'argent qu'on peut à Amazon parce qu'ils hein, font pitié puis ils ont besoin d'argent. Ouais. Le PDG d'Amazon est d'ailleurs rendu l'homme le plus riche au monde présentement. Là. Oui, effectivement. Just saying. Effectivement, puis c'est environ, aux États-Unis, c'est, j'ai vu les chiffres cette semaine, il me semble que c'est 30% des gens aux États-Unis qui travaillent pour Amazon qui ont besoin de coupons alimentaires. Donc, se nourrir. En gros, qui sont sur la semi-aide sociale. Exact. Exact. Donc, c'est un peu dégueulasse. Puis, il y a une ville canadienne dans le top 10, c'est Toronto. Mais honnêtement, j'écoutais un peu une explication de c'est quoi le deal que la ville de Toronto a fait. Puis, c'est un petit peu, c'est un petit peu méprisant et amusant à la on fois. On a du crack. Ici, on a du crack. Non, en fait, la ville de Toronto n'a pas offert un sou à Amazon. Ce qu'ils ont dit, c'est ben venez vous ouvrir chez nous au Canada. On a une bonne assurance santé publique, fait que vous n'aurez pas besoin de payer une assurance santé à vos employés. ensuite, ils ont promis... Ben c'est vrai, en fait, c'est un bon argument. Effectivement, mais c'est drôle que tout le monde offre de l'argent, puis les autres disent comme, non, non, on est juste une place cool, venez-vous-en. Ils ont promis, et ça, je trouve ça bien pensé, ils ont promis à Amazon qu'ils seraient prêts à investir jusqu'à, je me souviens plus le montant, mais c'est en millions de dollars, si Amazon ouvrait à Toronto, mais dans l'éducation. Il dit, venez, ouvrez votre siège social à Toronto. Nous autres, on va investir tant de millions de dollars dans l'éducation. Puis comme ça, vous allez vous assurer d'avoir des employés qualifiés sur le long terme. Je trouve ça magnifique. Merci Toronto d'exister pour une puis, fois. Le pire, c'est que si Amazon ne sont pas trop cons, ça peut quand même, ça vaut la peine d'être considéré. T'sais. Absolument. Mais sinon, toi, ta semaine? Ouais, c'est ça. En retard un peu, bref. C'est pas grave. C'est ça, on va couper ailleurs de toute façon. Ben moi, j'ai appris plein de choses cette semaine. D'ailleurs, tu parlais des crimes de guerre des Polonais. Mais il faut pas en parler. Moi, j'ai... quand il y a eu le Dieselgate de Volkswagen l'année dernière, moi, étant un heureux propriétaire de Volkswagen au gaz, par contre, moi-même, je me disais... J'ai eu des bon, je dis oui, mais il faut faire attention avec ça. Je les ai défendus là-dedans. Il y a des têtes qui sont tombées, il y a des torts de reconnus. Ce que beaucoup de gens ont oublié, c'était que les Volkswagen, la grosse erreur qu'ils ont faite, c'est d'être les premiers à se faire pogner, parce qu'après ça, toutes les compagnies à peu près se sont fait pogner à faire la même chose. Le stratagème était extrêmement facile à implanter. En fait, ils n'ont pas le choix d'implanter un truc de faire le stratagème en fait pour faire des tests. C'est juste qu'ils ont tweaké un peu la patente. Bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Si vous ne savez pas c'est quoi le Dieselgate, ben Dieselgate. Volkswagen, Google, s'il vous plaît. On est en 2018, j'ai pas besoin de vous dire ça. Par contre, cette semaine, c'est passé quelque chose. J'ai finalement appris que le vernis de respectabilité cache parfois quand même du nazisme old school. Quand je dis nazisme old school, c'est les expériences bizarres que les nazis faisaient pendant la Deuxième Guerre mondiale là, en Allemagne. Là. Ouais. Parce que on n'oublie pas Volkswagen, c'est quand même... Volkswagen en allemand, ça veut dire la voiture du peuple. Ça a été fondé par Hitler. Parce qu'il voulait qu'il y ait une compagnie de voitures abordables pour le petit peuple allemand. en fait, c'est qu'on a appris cette semaine que Volkswagen ont commandé avec d'autres compagnies allemandes des tests sur des animaux par rapport aux émissions toxiques des voitures. C'est-à-dire qu'on forçait, on gardait les animaux dans des cages, c'était des singes en fait. On leur faisait respirer des gaz d'échappement de voiture. Il y avait directement un tuyau relié à un échappement de voiture qui s'en allait en cage du singe. Ouais, il y a des images, c'est horrible. Ouais, c'est ça, c'est quand même assez traumatisant. D'ailleurs, même pour en rajouter un peu, je ris, mais c'est pas drôle, là. Je ris parce que c'est tellement absurde, mais ça avait même été discuté, en fait, de faire ces tests-là sur des êtres humains. Parce que c'est pour évaluer en temps réel l'impact du monoxyde de carbone ou du dioxyde de carbone sur l'organisme, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est quand même extrêmement... ça a quelque chose de répugnant, là. C'est ça, moi, je trouvais que ça faisait penser un peu aux expériences de nazisme. Tu sais, que les nazis faisaient, là, qui cassaient des bras, des choses comme ça. Là. Oh oui. Sur une touche un petit peu plus... un petit peu moins trash, j'ai appris aussi cette semaine que notre université, notre alma mater, l'UQTR, va devoir changer de nom. Devrait éventuellement venir qu'à s'appeler, pour mieux refléter la réalité, s'appeler l'Université du Québec à partout sauf Montréal et Québec. Je dis ça parce que les tentacules de l'UQTR s'étendent encore et on a maintenant un campus qui va s'ouvrir dans la Naudière, qui va ouvrir là, au mois de... Ben, dans le fond, pour la rentrée à l'automne prochain. Donc, ça porte à beaucoup le nombre de hors-campus de l'UQTR. On pense juste au campus de Drummondville qui est, on va se le dire, beaucoup plus beau que notre bon vieux campus central à Trois-Rivières. Oui, et aux dernières nouvelles, en plus, eux autres, leur bibliothèque était déjà ouverte 24 heures. Mais nous, on n'a plus le droit de se promener dans l'université. Bref, nous digressons. Je ne sais pas si l'Association générale des étudiants hors campus de l'UQTR se fait sacrer dehors de ces réunions d'exécutifs et de conseils d'administration, mais en tout cas. Fait que je pense que c'est un peu tout pour le tour de table, en fait. On s'en va en musique avec la douce voix de Louis-Jean Cormier et la chanson « Jaillit les happy end ». Donc, c'était Luigi, comme l'a dit Luca pendant la toune, Cormier, avec Jaillit les Happy End. On espère que c'était bon. Donc là, on va faire un truc qui était un de nos greatest hits, en fait, des dernières saisons, c'est-à-dire un politique fiction. En gros, on n'a pas de bumper encore pour ça, il faudrait bien que ça vienne un jour. Un jour. Mais des fois, quand il y a une toune mémorable, on met la toune mémorable du film mais, ou qui est reliée à ça. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'en gros, on va parler d'un ouvrage de fiction, mais on va discuter en fait des thèmes politiques ou philosophiques qui sont contenus dans l'ouvrage de fiction. Un peu comme de la petite philosophie de l'art, mettons, si on peut dire. Donc, comme j'ai dit en entrée, en début d'émission, ça va être aujourd'hui, on va parler de Blade Runner 2049. J'ai dit bon chiffre, ce coup-là. Félicitations. Yeah, je suis capable de dire un chiffre. La fierté de la radio. Donc, je sais pas si vous voulez commencer, Lucas, c'est toi qui avais préparé plus. Ben oui, certainement. Bon, pour commencer, j'aimerais dire que je suis un fan de Dick, de Philip K. Dick, l'auteur du livre qui a servi de base aux deux films Blade Runner. Les livres qui est les androïdes, en fait, rêvent-ils de robots électriques? Ouais, c'est les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? De moutons électriques, merci. Do Android Dreams of Electric Sheep. Yeah. Oui. D'ailleurs, ça va donner bientôt une série sur Amazon que j'ai bien hâte de voir. T'sais, je viens de parler contre Amazon, là, qui s'appelle Electric Sheep, qui va être une espèce de Black Mirror, mais dans l'univers de Philip K. Dick. J'ai bien hâte de voir ça. Mais bon, hein, le film Blade Runner 2049, bon, ça reprend un peu les thèmes du premier film, c'est-à-dire, bon, pour commencer, la différence entre... c'est quoi la différence entre un être humain et un robot? Bon, dans le film, il appelle ça un réplicant. Dans le livre, c'est un androïde. En tant que tel, la différence, c'est que le réplicant dans le film est un robot, mais qui est fait de chair. Ouais. C'est un genre de... Mettons, c'est un peu comme si on avait la capacité de cloner plein d'organes. Puis là, ben on assemble... Dans le fond, la technologie a avancé assez pour être capable de cloner tous les organes du corps humain, dans le fond. Oui. Donc, ben on les clone toutes, puis après ça, on les assemble, ça donne un réplicant. Exact. Donc déjà, c'est ça. Le premier film nous posait la question, en fait, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Et bon, j'ai l'impression que bon, Denis Villeneuve, qui a réalisé ce dernier film... a décidé de pousser un peu la thématique un peu plus loin parce que, bon, ça devient un thème récurrent. Et donc, déjà là-dessus, pour ceux qui ont vu le film, en fait, c'est qu'il y a trois niveaux. Il y a l'être humain, il y a ensuite le robot, le réplicant, qui est le personnage principal joué par Ryan Reynolds. Et ensuite, il y a... D'ailleurs, on aurait peut-être dû le dire avant, mais spoilers ahead. Spoilers ahead. Et ensuite, il y a sa copine qui s'avère être une intelligence artificielle. En fait, sa copine, c'est imaginer le Siri de votre iPhone qui est capable, premièrement, qui parle comme du monde, qui a vraiment une personnalité et qui est, dans le fond, qui vit avec vous sous forme d'hologramme. Exact. Puis ce que je trouve très intéressant, de manière que c'est abordé, c'est que, tu sais, si là, à peu près tout le monde fait des films qui explorent un peu les nuances des relations que l'humain peut avoir avec la machine, mais ce film-là explore, en fait, c'est quoi la relation que... un androïde peut avoir avec une intelligence artificielle. Et déjà, on est porté à travers le film à avoir un peu d'empathie envers ces deux êtres-là qui, ni un ni l'autre, ne sont des êtres humains. En fait, ils disent à un moment donné dans le film, lui-même, le Kay, dans le fond, là, le personnage de Ryan Gosling, dit lui-même qu'il n'a pas d'âme parce qu'il n'est pas né, il a été construit, dans le fond. Exactement. Et donc, on ramène là-dedans un bon vieux débat sur l'âme humaine. Est-ce que l'âme existe? Est-ce que l'être humain, c'est simplement une mécanique qui fonctionne en fait, très bien? Quand on parle d'âme, est-ce qu'on veut juste dire le fait de faire partie de l'humanité, en fait? Parce que dans ce cas-là, ce serait un peu une genre de... Là, je m'excuse, je vais sonner philosophe un peu, mais c'est un peu une âme aristotélicienne, hein, c'est-à-dire que c'est l'âme, c'est plutôt l'explication du fait que c'est une créature humaine, dans le fond. Là. Oui. Savoir que, en tant que tel, le personnage se prend pour un objet et, à un moment donné, pendant le film, on réalise que lui-même, au lieu que ça soit nous, en tant que spectateur, on fasse le switch, on le considère comme un robot, puis on le considère maintenant comme un être humain. Mais c'est lui-même qui fait le chemin de se considérer comme un objet pour ensuite se considérer comme un sujet. C'est une des premières problématiques qui est abordée. Une deuxième chose que j'aimerais aborder à propos de ce film-là, c'est la question du sexisme. Il y a eu certains articles qui ont été écrits au Québec par Martine Delvaux, pour ne pas la nommer, qui accusait le film d'être sexiste. Puis j'aimerais ça qu'on aborde un peu cette question-là parce que je trouve que c'est une question qui est intéressante, en fait, à savoir, est-ce qu'une œuvre dans laquelle, une œuvre artistique dans laquelle on voit des scènes qui sont misogynes, est-ce que ça fait que l'œuvre est misogyne? Puis je pense qu'il y a peut-être une petite distanciation qui s'est pas fait. C'est-à-dire, je pense qu'on doit voir une différence entre quand une œuvre, en tant que telle, imaginons une scène cliché carrément, dans laquelle la caméra recule et s'arrête bien évidemment sur le postérieur de l'héroïne du film. Bon, ça on peut dire que c'est pas en tant que tel l'univers du film qui est misogyne, c'est ici un choix artistique, c'est la personne qui a décidé de faire cette scène-là, qui s'est dit hey, on va faire un gros plan sur le derrière du protagoniste. Tandis que dans Blade Runner 2049, l'univers a un fond de misogynie, puis on le montre comme ça. En fait, c'est un peu le... Puis d'ailleurs, on va y venir dans quelques minutes, on va parler en fait de l'univers de Philip K. Dick lui-même. Mais c'est qu'en fait, il montre comment est-ce que ce qu'on connaît de nos jours va évoluer dans un avenir qui peut sembler dystopique, mais c'est pas une vraie dystopie. Parce que c'est l'ensemble de ce qu'il y a dans le monde-là, qu'est-ce que ça va donner plus tard, en fait. Donc, dans un univers futur où il y a des êtres humains artificiels, ben la misogynie qu'on connaît à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça va devenir à cette époque-là? C'est ça qu'on voit à l'écran. Exact. Il décrit un univers misogyne, ça veut pas dire qu'en tant que tel, il promeut cet univers-là. C'est pas une apologie de la misogynie et du machisme, et ainsi de suite. C'est un commentaire qu'on peut faire aussi, par exemple, dans les Game of Thrones. La série, moi, j'ai pas lu les livres. Toi, t'as pas vu la série, t'as lu les livres. Justement, il y a beaucoup de scènes de viol, des scènes dans ce style-là, mais est-ce que ça fait que Game of Thrones... Il y a pas moins d'un livre, ça, c'est en passant. Oui, j'ai entendu dire. Est-ce que ça fait que Game of Thrones est une œuvre misogyne ou c'est en fait une œuvre qui se déroule dans un univers médiéval, qui est patriarcal, qui est misogyne, mais dans lequel il y a quand même des personnages féminins qui sont bien écrits, qui sont forts, qui sont cohérents, où les femmes ont des personnalités complètes, où on voit vraiment qu'en fait, il y a une volonté en arrière de faire de ces femmes des individus. Parce que c'est ça, c'est un peu comme de dire, il y a une écriture misogyne qui peut donner une œuvre qui est ou non misogyne, mais qui en soi, l'écriture est misogyne, c'est-à-dire qu'on met l'emphase sur des choses qui recrée les rapports de domination, dans le fond, des hommes sur les femmes. Mais il y a aussi le fait de, justement, c'est ça, d'avoir une écriture non misogyne, mais qui décrit des phénomènes misogynes. Puis, justement, le cas de Game of Thrones, c'est particulièrement évident, en fait, que George R.R. Martin, lui-même, ça paraît, là, je veux dire, son type, le type de dark fantasy qu'il fait là, c'est carrément de la critique sociale de la misogynie. Il représente la misogynie, puis d'autres choses aussi, là. Il y a toute une question aussi de classisme, puis ainsi de suite, là. Mais dans ce cas-là, de plus malsain et de plus dégueulasse pour justement la critiquer, pour le montrer toute la... Fait que c'est un allié, là, dans ce cas-là, là. Effectivement. Sinon, un autre sujet, pour faire court, qui est abordé dans le film, qui est mieux abordé dans 2049 que dans le film original, c'est le côté environnemental de la chose. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas dans le premier film que, en fait, il ne faut pas oublier que Blade Runner, c'est un univers qui est post-apocalyptique. Il y a eu, un événement dans le film, on ne sait pas c'est quoi, dans les livres, on réalise en fait, que c'est une guerre, mais il y a eu un événement qui a poussé... C'est qu'en fait, en gros, dans l'univers, c'est un a priori, c'est que dans cet univers-là, la biosphère de la planète Terre, parce que là, la classe moyenne et la classe haute vivent sur des colonies hors monde, dans le fond. Là. La planète Terre est vraiment littéralement un dépotoir, un immense dépotoir. La biosphère de la Terre n'existe plus. Les seules presque choses vivantes qu'il y a encore sur Terre, c'est les êtres humains. n'y a plus de nature, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Là. Exact. Un des moments marquants du film, c'est le moment où il trouve une petite figurine, le personnage principal, et les gens sont impressionnés par le fait que la figurine soit en bois. Donc, hein, du en vrai bois. En bois réel, en c'est bois ça qui est réel. Important. C'est pas du bois de synthèse. Parce que c'est un univers post-apocalyptique et l'environnement s'est extrêmement dégradé. En fait, l'environnement est complètement dégradé, c'est ça le but. Il n'existe plus. Sinon, pour finir, je voulais vous parler de manière plus large. Si vous avez aimé Blade Runner, lisez le livre. Vous pouvez lire de manière plus générale les livres de Philip K. Dick qui sont très, très intéressants. Et bon, je lisais cette semaine un article qui disait en fait, on s'en va nous-mêmes dans un univers qui n'est pas l'univers de George Orwell, qui n'est pas l'univers de Huxley, du meilleur des mondes. En fait, on s'en va vers un univers qui de plus en plus ressemble à l'univers de Dick. C'est-à-dire que c'est facile. Il y a un petit quelque chose de facile dans 1984 ou dans Le meilleur des mondes de prendre une technologie, ou même dans Black Mirror, on pourrait dire, puis j'adore Black Mirror en passant, là, mais de prendre une technologie ou de prendre une direction dans laquelle on voit le monde ça s'en aller, s'imaginer le pire scénario et écrire une histoire alentour de ça. Alors que... c'est ça de l'écriture dystopique à l'origine. Exact. C'est le concept même de la dystopie. On prend une affaire, on obsède dessus, puis on la pousse à l'extrême qu'elle peut donner. Alors que ce qui est original avec Philip K. Dick, c'est que au contraire, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il fait des univers qui, de notre point de vue, pourraient vraiment être des dystopies. Et ce qu'il fait avec ça, c'est qu'il en fait des univers qui, pour les personnages qui sont là-dedans, c'est un univers qui est complètement normal parce qu'ils ont vécu là-dedans et ça a beaucoup de sens. Parce que dans les dystopies, normalement, justement, le héros est une personne révoltée qui trouve que l'univers, il y a quelque chose de pas normal dans l'univers, puis qui, en bout de ligne, on peut dire que, ben, en fait, le héros aimerait que l'univers, que son univers soit le nôtre. Il y a un jugement de valeur, alors que ça a beaucoup plus de sens de dire que quelqu'un même de révolté dans une société dystopique, peut-être que son idéal serait autre chose que notre univers à nous. Donc, je vous invite à lire Philip K. Dick. Ce qui est le fun, en fait, c'est que ses romans sont pas très longs non plus, d'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr d'aimer ça. Ils se trouvent dans toute bonne bibliothèque et dans tout bon truc de livres usagés. Là, sont souvent, comme je dis, c'est pas des gros livres, là, c'est des 100-150 pages là, souvent. Là. C'est pas tellement... Le fameux livre, en fait, sur l'origine de Blade Runner, dans le fond, là, il est pas très long. Là. C'est comme je dis, c'est un 150-200 pages maximum. Là. Ça se lit très vite, d'ailleurs. C'est très bien écrit. Bref, c'est maintenant le temps d'aller à la pause. Rebonjour, cher public, vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission céphalo-bakounienne sur les ondes de CFOU 89.1. Juste avant la pause, dans le fond, on a parlé du dernier Blade Runner et de l'auteur du livre sur lequel c'est inspiré. C'est maintenant l'heure, en fait, d'essayer une nouvelle affaire. C'est la nouvelle chronique écono-fiscale de Lucas. Alors, oui, c'est la chronique fiscale. J'ai décidé de vous parler cette semaine de Richard Stales. Richard Stales, en fait, c'est celui qui a gagné le prix Nobel d'économie ou le prix... de la Banque de Suisse. La Banque de Suisse, le machin truc pour les gens qui veulent toujours reprendre les gens qui parlent du prix Nobel d'économie. Parce que c'est pas beaucoup... un prix Nobel. Mais non, c'est ça, hein, mais c'est beaucoup moins compliqué à dire. En tout cas, hein, ce joyeux type, Richard Stales, qui a gagné le prix Nobel d'économie. C'est pas un prix Nobel. Okay, c'est beau, j'arrête. Bon, hein? Lui a développé la théorie, ça s'appelle la théorie des nudges. Un nudge, en fait, c'est quoi? C'est le terme anglais pour parler de, tu sais, quand on donne un petit coup de coude, un petit coup à un de nos amis pour subtilement lui signifier quelque chose. Une petite poussée, là, qu'on pourrait appeler une toute petite poussette, par exemple. Oui, c'est ça. C'est ça, un nudge. En français, il n'y a pas vraiment de mot pour ça, fait que il appelle ça, en français, la théorie du paternalisme libertaire. Hein? Je suis quand même aussi du sens, un coup qu'on sait c'est quoi. Donc, je vais vous expliquer un peu. De base, le nudge, c'est de donner l'exemple. Imaginons, dans une cafétéria d'école, il y a une étude qui a été faite qui démontre que, dépendant de quelle façon on place les plats, on peut influencer jusqu'à 30%. Le menu que les étudiants vont manger, vont eux-mêmes choisir à la cafétéria avant de passer à la caisse. Donc, déjà ça, c'est une connaissance, mais maintenant, avec cette connaissance-là, on a ce que lui appelle un architecte qui a une décision à prendre. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit prendre cette connaissance-là, le fait qu'il y a des endroits qui attirent plus l'œil de l'étudiant, puis qui fait qu'il va plus manger ces affaires-là pour donner des emplacements privilégiés au repas santé. Ça pourrait être la première solution. Ou est-ce qu'on pourrait plutôt, par exemple, vendre les emplacements privilégiés pour augmenter le budget des écoles? C'est-à-dire dire, par exemple, je ne sais pas, à Pepsi, « Hey, bonjour, cet endroit-là, les gens, les jeunes consomment 30 % plus ce qui est à cet endroit-là, donc donne-nous tant de dollars par année, puis c'est le Pepsi qu'on va mettre là. » Donc, ça pourrait augmenter le budget des écoles qui pourrait être réinvesti dans... Peu importe, ça risque de finir dans un budget de sport-école de toute façon. Fait que moi, personnellement, je privilégierais la première solution. Mm-hmm. Mais c'est ça, en gros, le paternalisme libertaire. Mais c'est parce que ça a beaucoup d'autres implications, c'est ce que nous dit ce joyeux type. Il dit, par exemple, un autre exemple qui a été donné, que vous avez peut-être, qui est plus connu, c'est celui, dans les Pays-Bas, des mouches dans les urinoirs. Ce qu'ils ont fait dans les endroits publics, c'est qu'ils ont posé des fausses mouches dans le fond des urinoirs, à l'endroit dans l'urinoir qui faisait le moins d'éclaboussures. En faisant ça, ben, ils ont réalisé que, ben, en fait, les hommes, quand on va à l'urinoir, d'ailleurs, on a des gens qui nous écoutent aux toilettes de l'université présentement, on a tendance, s'il y a quelque chose de sale en urinoir, à essayer de viser ça pour faire décoller l'affaire en question. Donc, les hommes font ça, donc il y a moins d'éclaboussures. Donc, finalement, ils ont pu réduire les coûts d'entretien dans les toilettes des lieux publics de beaucoup pour, disons, la même propreté, finalement. Un autre exemple qui est donné, c'est des endroits en France où il y avait beaucoup d'embouteillages parce que les Français, hein, ont l'âme rebelle et ont tendance à s'engouffrer à l'envers dans les sens uniques pour se sauver du temps. Oui, c'est ça, pour se sauver du temps. Puis, il y avait beau mettre des jolies pancartes interdites, si vous faites prendre, vous allez avoir une amende, etc. Les comportements des Français ont changé au moment où ils ont changé les pancartes sans interdit par des pancartes cul-de-sac. Bon, les pancartes mentaient, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant de noter avec ça, c'est que finalement, une fausse pancarte qui n'interdit pas d'y aller a eu un impact qui était plus grand que la pancarte qui interdisait d'y aller. Donc, d'où le nom de paternalisme libertaire. C'est-à-dire d'un peu manipuler les gens quelque part, oui, mais pour leur bien. Exactement. Lui, ce qu'il dit, parce que c'est un gars de l'école de Chicago, là, normalement, c'est la grosse droite libertarienne, là, du genre, on ne doit pas rien imposer aux gens. Puis lui, en fait, il est d'accord avec ça, mais ce qu'il dit, mais maintenant, on peut les pousser gentiment dans la bonne direction. C'est l'exemple de la cafétéria que je donnais, il dit, ça ne marche pas faire une loi dans l'école qui empêche les cafétérias de servir de la pizza. Il dit, les gens arrêtent de manger à la cafétéria, puis ils vont au restaurant au coin de la rue à la place. Puis là, tu leur interdis de sortir de l'école pour dîner. Ça chiale, c'est pas content. Puis finalement, il y en a qui s'amènent la pizza dans leur lunch quand même. Effectivement, ce qui fonctionne, c'est de laisser la liberté aux gens, mais de gentiment les pousser. Puis lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ça a des implications politiques qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'on pourrait penser, a priori. L'exemple qu'il donne, il dit, ça c'est un autre exemple qui est donné d'une étude, c'est au Texas, hein, le Texas, qui ont fait le test, ils ont séparé plein de villes et de quartiers au Texas. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé aux gens, aux ménages, une petite lettre qui leur dit, bonjour, votre consommation d'électricité est à tel niveau présentement et le niveau moyen de consommation de l'électricité dans votre secteur est de ça. Donc, ce qu'ils ont remarqué en faisant ça, c'est que les gens qui consommaient plus d'électricité que la moyenne se sont mis effectivement à consommer moins d'électricité. Bon, ce qui a été correct pour l'environnement, parce que surtout là-bas, l'électricité, c'est encore faite principalement par du charbon puis des technologies comme ça. Hein? C'est l'électricité thermique, principalement. Les technologies du 19e siècle. Voilà. Par contre, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'en faisant ça de cette façon-là, il y avait aussi les gens qui sont en dessous de la moyenne qui se disaient « Hey, j'ai un peu de jeu ». Fait que ces gens-là augmentaient leur consommation d'énergie. Fait que finalement, ça annulait le gain. Donc, il y a des endroits où ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'envoyer cette lettre-là, mais simplement aux gens qui consomment plus qu'à la moyenne. Comme ça, ces gens-là consommaient moins, les autres gens continuaient à consommer pas beaucoup, puis ça faisait descendre la moyenne. Mais ils ont décidé de pousser l'expérience un peu plus loin. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, à d'autres secteurs, ils ont envoyé une lettre, exactement les deux mêmes lettres qu'au départ, mais cette fois-ci, ils ont mis des bonhommes sourires puis des bonhommes tristes. Fait que sur les gens qui consommaient trop d'électricité, ils ont mis un bonhomme triste. Puis sur les gens qui consommaient moins d'électricité que la moyenne, ils ont mis un bonhomme content. C'est tout. C'est la seule différence sur la lettre. Puis là, ce qu'ils ont remarqué, c'est que, bon, cette fois-ci encore, les gens qui consommaient plus d'électricité que la moyenne ont diminué leur consommation. Mais cette fois aussi, il y a les gens qui consomment moins que la moyenne qui ont diminuer eux aussi leur consommation d'électricité parce qu'il y avait un bonhomme sourire sur la lettre qui les encourageait à dire « Hey, tu fais du bon travail, continue comme ça. » Ça, c'est du beau conditionnement opérant. Et effectivement, ben, en fait, ce qu'ils appellent ça, c'est de l'économie comportementale. C'est une espèce de... C'est basé sur le conditionnement, en fait. Effectivement. Un autre exemple qui est donné, c'est à Chicago, il y a une autoroute à Chicago où, dans une courbe, il y a beaucoup, beaucoup de morts. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont posé des pancartes pour que les gens soient obligés de ralentir leur vitesse, ce qui n'a eu absolument aucun impact. Les gens n'ont pas ralenti. Ce qu'ils ont fait à la place, ils ont enlevé la pancarte, ils ont laissé la même vitesse, mais ils ont dessiné sur l'asphalte des lignes dans le sens contraire de la route. Et plus tu approchais de la courbe, plus les lignes se rapprochent, ce qui te donne l'illusion d'optique que tu accélères. Donc, les gens ont le réflexe de ralentir. Ce qui fait que, et ça, ils ont vraiment remarqué une immense différence dans le taux d'accident exactement à cet endroit-là. À Chicago, ça a été extrêmement efficace. Mais même, je ne sais pas le résultat de ça, mais je sais qu'en Europe, il y a des endroits qui ont fait imprimer des sortes de collants d'immenses impressions, dans le fond, là, comme sur du vinyle ou du... probablement pas du vinyle, mais sur une genre de toile, là, mettons, là, que ça ressemble à des nids de poules, dans le fond, à s'y méprendre. Ils étendent à terre sur l'asphalte à certains endroits dans les villes, puis justement, des endroits où le monde roule trop vite, en voyant, c'est vraiment des immenses nids de poules, là. Fait que les gens sont portés à ralentir quand ils arrivent pour passer là, pour essayer de pas passer dedans, dans le fond. Finalement, ils roulent dessus puis se rendent compte que c'est plat parce que c'est juste un imprimé, mais ça, je me rappelle plus où, je me demande si c'est pas en Grande-Bretagne que ça a été fait ou dans un pays. C'est soit en Grande-Bretagne ou dans un pays scandinave, mais je suis plus certain. Oui. Bien, plus près de nous, quelque chose de semblable qui a été fait, c'est à Sainte-Julie, en Montérégie. Ce qu'ils ont fait, c'est que, bon, la municipalité voulait, dans des quartiers, faire descendre la limite de vitesse. Et, en fait, c'est une juridiction provinciale. Donc, la province était comme, on n'a pas de raison. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des comités dans les écoles secondaires parce que, bon, ils prenaient pour acquis que c'est principalement les jeunes qui roulent vite dans ces quartiers-là. Puis, ils ont fait des espèces de comités municipaux avec ces jeunes-là où ils ont eu des débats puis ils invitaient les jeunes à dire, à votre avis, dans telle rue, ça devrait être quoi la limite de vitesse? Puis, bon, les jeunes ont fini par arriver eux-mêmes avec des limites de vitesse qu'ils jugeaient raisonnables, qui sont plus basses que les limites, qui correspondent aux limites que déjà la municipalité préconisait. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des pancartes, pas des pancartes de règlement, une pancarte de la ville qui dit simplement « Bonjour, la ville vous recommande de rouler à telle vitesse dans cette zone-là, même si la limite légale est plus élevée que ça. » Puis, et vu que là, bon, les jeunes des écoles secondaires de cet endroit-là ont commencé à... Vu que les jeunes ont eux-mêmes pris part au processus délibératif, ben ils ont commencé à ralentir la vitesse. Fait que, bon, ça, c'est un autre argument là, à l'avantage du paternalisme libertaire. Eh bien... C'est un autre cas de tout le monde est content, mon Dieu. Ben oui. Liberté, puis en même temps, ce que j'aime là-dessus, j'ai l'impression que c'est des propositions qui, en fait, c'est pas partisan. Je vois pas comment quelqu'un, bon, peu importe où est-ce qu'on se situe sur l'échiquier politique, je crois pas que personne fasse comme « Ah, mais non, il y a quelque chose de pas éthique là-dedans. » Puis parlant de choses pas éthiques, on est rendu à notre chronique du Trumpistan. Hein? Eh oui. Hein? Je pense que oui. Malheureusement, il faut qu'on y vienne. On n'a pas le choix. Hein? Tradition de. Donc, le Trumpistan, c'est comment j'ai décidé de réappeler les États-Unis depuis l'élection de l'empereur Doritos Ier. C'est ça. En fait, c'est important d'en parler. C'est que. Puis d'ailleurs, je vais même y donner un bon point, ce coup-là. Parce que oui, des fois, il faut quand même rendre à Julien César, celui qui a inventé la salade, là, ce qui lui revient. Donc. En fait, c'est que cette semaine, en fait, pour être précis, le 30 janvier, donc ça fait pas si longtemps que ça, c'était le State of Union Address, dans le fond, ce qu'on appelle l'État de l'Union. En gros, les États-Unis font ça, c'est tenu une fois par année. C'est le premier ministre qui doit parler... Président? J'ai dit premier ministre. Hey, je suis pas dedans aujourd'hui, ça n'a pas d'heure. Le président, oui, doit, dans le fond, faire un bilan de la dernière année et parle de ses grands projets pour l'année suivante, dans le fond. Donc... ça a eu lieu, c'était la première de Donald Trump, ça a eu lieu, comme je dis, le 30 janvier dernier. En gros, une grosse partie de son discours a été de dire qu'effectivement, les États-Unis sont rendus « great again », hein, on se rappelle de son discours. Donc, on marche toujours vers le plein emploi, il y a eu tant d'emplois de créer. Bon, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une partie des chiffres desquels Trump se vantait, ben en fait, sont... pour certains, ces tendances-là étaient déjà sous le règne Obama. Donc, une certaine partie est attribuable aux actions tenues par son prédécesseur, qu'il n'aime pas tellement d'ailleurs. Puis, d'autres choses aussi, bien évidemment, hein, on est rendu habitué avec le président Trump, ben, c'est qu'il y a certains de ses chiffres qui sont un petit peu de la chenoute, un petit peu de la bullshit. Cependant, où ce que c'est intéressant, puis hein, on en parle des fois, nous autres, on est à maîtrise, puis ça tombe dans mon sujet en plein, c'est qu'il a parlé d'immigration. Donc, le mauvais en premier, ben là, il veut vraiment construire son maudit mur. Hein? On le sait, le mur là, avec la frontière du Mexique, ben il veut vraiment le faire. Donc là, ça, c'est un projet pour cette année. Ça va coûter 20... c'est calculé que ça va coûter 25 milliards juste le mur lui-même. Puis là, l'ajout de garde frontière et ainsi de suite, c'est même pas compté là-dedans. Une autre chose aussi, il veut ajouter des nouvelles restrictions sur les réunions familiales, ce que lui appelle de la de chain immigration. Là, en gros, c'est que quand quelqu'un immigre dans un pays, oui, tu allais dire quelque chose? Ah, oui. Oh, ben vas-y. Oui, tu approuvais, c'est bon, tant mieux. Ben, il s'est fait huer hein, quand il a parlé de ça. C'était une des premières fois qu'un président était hué pendant un discours de l'État de l'Union. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est, ça, en fait, c'est qu'en gros, ça, c'est reconnu. Là, absolument tous les pays reconnaissent ça. Ben, j'ai dit absolument tous les pays. L'infini, l'écrasante majorité des pays reconnaissent ça, mais c'est le droit à la réunion familiale, en fait. C'est que quand quelqu'un immigre dans un pays, ben, il a le droit de ramener sa famille proche. Puis là, ben là, ce qui varie entre les pays, c'est la définition de la famille proche. Des fois, c'est juste tes enfants puis tes conjoints et conjointes. Pas au pluriel, nécessairement, mais des fois, ben, c'est la famille un peu plus élargie, les frères et sœurs. Des fois, c'est les... grand-mère. On reconnaît grand-mère, grand-père. Des fois, on va même oncle et tante. Des fois, ça passe aussi. Mais ça, c'est dangereux de faire venir les grand-mères, là. Ouais, non, c'est ça. Pas ça. La seule affaire pire que ça, c'est les belles-mères. joke trop facile. Mais c'est ça. Puis, ben, c'est ça. Par contre, comme je disais, il y a un peu de positif dans ce State of Union-là, c'est que, encore sur le même sujet de l'immigration, c'est les Dreamers. Les Dreamers, en gros, c'est des résidents américains qui sont en fait dans la catégorie des immigrants sans papier, donc ce qu'on appelle, ce que encore Trump appelle des immigrants illégaux, qui sont souvent arrivés en bas âge ou carrément qui sont nés en sol américain, mais que leurs parents sont des immigrants sans papier, dans le fond. Donc, eux autres même se retrouvent par défaut sans papier aussi, mais tout ce qu'ils ont connu de leur vie, ben, c'est les États-Unis. Ils ont grandi là, ils ont été éduqués là, parce que oui, ils sont allés à l'école quand même, et ainsi de suite. Ils ont des familles, des fois ils sont mariés, ils payent leurs impôts, c'est ça qui est drôle d'ailleurs. Ils ont des maisons, ils ont des permis de conduire, ils en vont par là, mais c'est pas des citoyens américains. Puis là, ben, on les appelait les Dreamers, c'est que c'est des gens qui sont d'un certain âge, en fait, dans la génération des millennials, surtout les Dreamers, qui disent, ben nous, on contribue à la société, puis qui demandent à être reconnus comme tels, puis de ne pas être déportés. Ben là, le bon point, c'est que Trump va étendre le DACA, dans le fond, qui était déjà une espèce de règlement, mettons, un peu ad hoc là, pour empêcher ça. Il va l'étendre, puis même un peu plus que les Dreamers vont être reconnus là-dedans. En fait, ceux qui sont nés en sol américain et ceux qui ont été immigrés de force, entre guillemets, en très bas âge par leurs parents, ben là, il va avoir un nouveau chemin vers la citoyenneté. Ils vont avoir la possibilité de devenir citoyens. À condition qu'ils acceptent de rester alors que leurs parents sont déportés. C'est ça. C'est ça la pogne. Mais ça reste que c'est quand même une première étape vers le fait de reconnaître que quand ça fait un certain temps que tu habites dans un pays, Colin, c'est de là que tu es rendu un citoyen de là, puis tu devrais être reconnu de jurer citoyen de cet endroit-là. Donc, oui, c'est arrivé. J'ai donné raison à Trump sur une affaire. Puis je pense que sur cette surprise, on va retourner en chanson avec Gasoline et la chanson Yugen. Donc, c'était Gasoline avec Yugen. À ce temps, je sais comment ça se prononce. C'est déjà tout pour aujourd'hui, en fait. C'est assez, je pense. C'est assez. Cet épisode va être diffusé samedi à 11h ici même au C'est Fou 89.1 FM et en balado sur notre page Facebook quand on va avoir le temps. D'ailleurs, je vous invite à aller la liker, partager puis tout le tralala. Donc, vous pouvez toujours d'ailleurs rester en onde parce que c'est pas fini. Dans le fond, tout de suite après... Notre blues? Tout de suite après, c'est... Ouais, excuse-moi, je me suis tout mêlé. J'ai fait mes affaires dans le mauvais ordre, en fait. Ça va être l'émission Très blues assez fou avec Denis Baudin et compagnie. Restez en onde et à la semaine prochaine!